Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Solène de Massy aurait aimé entendre parler de Madame de Pompadour. Pourquoi pas, répond Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est une bonne idée qu'a eue Solène, d'autant plus qu'on est l'année du 250e anniversaire de la mort de la marquise. Et puis, paraît en ce moment même, chez Fayard, la biographie de Robert Muchimblé, qui se trouve actuellement à New York, mais à qui nous parlerons dans un moment, grâce à l'entremise de la correspondante d'Europe 1 sur place, Géraldine Woessner. J'ai aussi demandé à une habituée de l'émission, Evelyne Levert, de venir nous parler de ce personnage qu'elle connaît mieux que personne. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Quentin, qui n'a que 6 ans et qui voudrait connaître l'origine de l'alphabet. Vous avez vu qu'on recrute de plus en plus jeunes. Alors, pour le même prix, Quentin va découvrir aujourd'hui qui était vraiment la célèbre Madame de Pompadour. Europe 1, au cœur de l'histoire. Ferrand. Au tout début des années 1740, si vous faites partie de la bonne société, à Paris, il est probable que vous allez recevoir une jolie invitation, tout ornée de bouquets de fleurs peints au naturel, pour une représentation informelle dans un théâtre de société. Vous savez ce qu'on appelait à l'époque les théâtres de société, c'est-à-dire de petits théâtres tout à fait privés, où aux représentations desquelles n'assistaient que des personnes invitées, bien entendu. Un théâtre dont on parle de plus en plus néanmoins, c'est celui de la jolie maison d'Étiole, en bordure de la forêt de Choisy. C'est la propriété d'un certain monsieur Lenormand de Tournehem, à l'époque on disait Tournin, mais une maison dont l'animatrice en vérité est la nièce par alliance du maître des lieux. Certains prétendent qu'elle en est la fille, Madame Lenormand d'Étiole. Elle est née Jeanne-Antoinette Poisson, et ça évidemment tout de suite ça vous met la puce à l'oreille. L'oncle Tournehem, nous dit Robert Muchimblé dans la biographie très pointue qu'il vient de faire paraître chez Fayard, possède la seigneurie ainsi que 2 châteaux dont l'un est rénové pour être habité par les jeunes époux à la belle saison. Un théâtre magnifique y est aménagé pour mettre en valeur les qualités d'excellente comédienne de la jeune femme. La propriété, qui appartenait auparavant à la famille du président Hainaut, attirant d'autant plus son attention sur la belle, est voisine de luxueuses propriétés d'autres financiers importants. Elle devient en quelque sorte la petite reine de la région, la châtelaine enchantée d'une giboyeuse forêt dont le prince est un enfant roi, Louis XV, qui y chasse avec ardeur et achète le château de Choisy tant il aime la contrée. Enfant roi qui va devenir adolescent roi et bientôt un jeune roi qui est non seulement chasseur de grands gibiers, et de petits d'ailleurs, mais aussi chasseur de femmes. Quoique, et c'est la question que nous allons nous poser tout à l'heure. Cette situation, en tout cas, donne à la belle Madame d'Étiole le droit de suivre en calèche les chasses du roi et par la même occasion de séduire Sa Majesté. Alors, qui l'a placée là sur le chemin du roi? Ça aussi, c'est une question, bien entendu. Les frères Goncourt, en leur temps, disaient que Madame d'Étiole venait assister aux chasses de Choisy, soit en rose dans un phaéton bleu, soit en bleu dans un phaéton rose. Pour tout vous dire, j'ai longtemps cherché la source, parce que c'est tellement joli, je cherchais la source qui leur avait permis de le dire, et je ne l'ai jamais trouvée, cette source. Je pense qu'il faut la chercher dans l'imagination d'Edmond et Jules de Goncourt. Ce ne devait en tout cas pas être très difficile de trouver Madame d'Étiole, parce qu'elle se mettait très en évidence. On l'avait remarqué, on parlait beaucoup d'elle, on en avait parlé à plusieurs reprises au lever du roi, puisque le maréchal duc de Richelieu, grand personnage de la cour, premier gentilhomme pendant 3 mois chaque année, premier gentilhomme de la chambre, et donc l'un de ceux qui animaient le lever et le coucher du roi, la connaissait, l'appréciait et l'avait mise en quelque sorte dans son écurie de jeune femme à présenter au roi. Antoine-Alexandre Barbier nous dit « Cette dame d'Étiole est bien faite et extrêmement jolie. Elle chante parfaitement et sait 100 petites chansons amusantes. Elle monte à cheval à merveille. Bref, elle a eu toute l'éducation possible. » Et c'est vrai qu'elle est remarquablement cultivée. Voilà ce qu'écrit le président Hainaut à Madame du Deffand. « Je trouvais là l'une des plus jolies femmes que j'ai jamais vues, tout de même. » Il savait de quoi il parlait. « Elle sait la musique parfaitement. Elle chante avec toute la gaieté et tout le goût possible. Elle sait 100 chansons, décidément, joue la comédie à Étiole sur un théâtre aussi beau que l'opéra, où il y a des machines et des changements. Ce qu'il faut vous dire, c'est que M. Lenormand de Tournehem, donc son oncle par alliance, dont certains, encore une fois, disent qu'il est carrément son père. Monsieur Lenormand de Tournehem, en tant que président de la Compagnie des Indes, a fait une fortune considérable. Madame d'Étiol, puisque c'est ainsi qu'il faut encore l'appeler, notre future marquise de Pompadour, fait partie de ce milieu, elle en est aux marges, mais néanmoins elle fait partie de ce milieu de la haute finance parisienne, dont les moyens sont à l'époque quasiment illimités. Mais elle a aussi cette beauté, cette joliesse, cette présence et cette espèce d'intelligence limpide, lumineuse, qui la rendent tellement attrayante. Elle sait marquer les esprits. On ne pouvait rêver ni imaginer pareille merveille, écrit André Castelot. Sa peau nacrée, une peau qui ne prenait point les ombres, lui donnait un éclat incomparable. Son teint de blonde au reflet de coquillage, un déjeuner de soleil, affirmait les brunes avec jalousie, attirait d'abord tous les regards. On admirait ce visage à l'ovale parfait, ses yeux à la nuance indécise mais au reflet d'or, ses lèvres qu'elle mordillait souvent pour en aviver la couleur. Ses cheveux châtain clair, cette taille fine et souple, ce corps arrondi enfin dans toutes ses formes comme dans tous ses mouvements. Bah, vous avouerez qu'il aurait fallu que le roi fût particulièrement difficile pour ne pas jeter de plus en plus un œil en direction de cette dame qui vient donc assister à ses chasses. Louis XV, évidemment, est lui-même un très très bel homme. Il a 33 ans à l'époque de la rencontre. Il est considéré, nous dit Mouchimblé, comme le plus bel homme de France, ce qui traduit un puissant imaginaire en ce domaine démultiplié par la présence de son profil, un nez bourbonien sur les louis d'or en circulation. Il impressionne par sa haute taille, par sa prestance physique, par sa vigueur également de chasseur infatigable. Je trouve Mouchimblé quand même un peu limitatif sur le sujet, car il suffit de voir tous les portraits de Louis XV pour admirer sa beauté, tout simplement. Il a des traits d'une quasi-perfection. Alors, il est certes marié depuis 15 ans à Marie Leszczynska, qui lui a donné 10 enfants. Le roi collectionne littéralement les conquêtes. Enfin, quand je dis il les collectionne, finalement, pas tant que ça. Regardez qui sont ses premières favorites, ce sont quatre, enfin en tout cas pour l'essentiel, trois sœurs de la famille de Nel. Il aurait eu sa première entrevue en 1742 avec la troisième, la future duchesse de Châteauroux, à Plaisance, près de Nogent-sur-Marne. Et après l'épisode majeur que va constituer la maladie du roi, au retour d'une campagne militaire, le roi tombe malade à Metz, il renvoie sa maîtresse, il la renvoie à Paris, elle va s'étioler, si j'ose ce mauvais jeu de mots, et elle va mourir à son tour le 8 décembre 1744. Je dis à son tour, mais le roi, lui, a parfaitement survécu, bien entendu, et il est sorti auréolé de cette maladie de Metz. Il était devenu, entre-temps, le bien-aimé. Sur Europe 1 avec un extrait des Indes galantes par Marc Minkowski. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la rencontre entre Louis XV et Madame de Pompadour. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la rencontre entre Louis XV et Madame de Pompadour. Le roi Louis XV a donc 33 ans, il est d'une beauté parfaite, il est plein de vigueur, sauf qu'il ne couche plus avec son épouse, la reine Marie Leszczynska, et donc on est en train de lui chercher une nouvelle compagne. Inutile de vous dire qu'elles sont nombreuses à se mettre sur les rangs. Madame de Châteauroux n'est donc plus de ce monde. Le roi connaît pas mal de deuils à cette époque, et notamment il va perdre celle qui était un peu sa maman de substitution, la gouvernante des enfants de France, la duchesse de Ventadour. Ventadour qu'il appelait Maman Ventadour. Il est donc particulièrement sombre à cette époque. Il faut vous dire que Louis XV avait de fréquents accès de neurasthénie. Ça faisait partie de sa personnalité. Et donc là, il est particulièrement mal, si je puis dire. Entre-temps, il faut vous dire aussi que la belle Madame Lenormand d'Étiole est devenue mère. Quelques mois plus tôt, le 10 août 1744, elle a en effet donné naissance à Alexandrine. Alors, comment a-t-elle exactement rencontré le roi ? Pour tout vous dire, on n'en sait rien de manière précise. Ce qu'on sait, ce qu'on suppose, il y a de très fortes chances que ce soit la vérité, c'est que l'idylle a commencé en forêt de Sénart au cours d'une des fameuses chasses du roi. Comme le dit Evelyne Levert, il est cependant impossible de dire comment la nymphe de la forêt de Sénart tomba dans les bras du roi. Les deux amants ont soigneusement gardé le secret de leur première rencontre. Par la suite, Madame d'Étiole va se rendre à un bal organisé en l'honneur du mariage du dauphin. C'était le 25 février 1745 dans la Galerie des Glaces à Versailles. Très grand bal. Et au cours de ce bal, le roi va apparaître costumé en if. C'est ce qui a donné d'ailleurs à ce bal le surnom de bal des ifs. J'avais écrit, moi, il y a longtemps, un ouvrage qui tourne autour justement de cette grande fête de la cour ouverte quasiment à tous à partir du moment où l'on était costumé. Le grand ami de la marquise Bernice, qui deviendra plus tard le cardinal de Bernice, raconte que le roi agaça beaucoup une jeune personne de ma connaissance qui avait plus d'éclat que de beauté. Mais il est gentil en parlant de Madame d'Étiole. Le 28 février, le roi va donner rendez-vous à Madame Lenormand d'Étiole à Paris, au bal de l'Hôtel de Ville. Il semble qu'il soit arrivé d'ailleurs très tard à ce bal et qu'elle lui en ait fait la remarque. Elle était assez piquée, nous dit-on. En tout cas, tout ça commence à ressembler à une véritable histoire d'amour. Il faut vous dire que la postulante, si je puis dire, est soutenue, est très soutenue par tout un parti. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans un instant avec Evelyne Levert. Alors, tout s'accélère, bien entendu. Et le 1er avril 1745, nous raconte Evelyne Levert, à la surprise de la cour, elle parut le soir au théâtre, fort élégante, dans une petite loge proche de celle du roi et de celle de la reine. Les lorgnettes se posaient alternativement sur Louis XV, sur son épouse et sur la nouvelle venue. Fallait-il dire l'intruse ? Nul ne savait encore. Ce qui est certain, c'est que Madame d'Étiole, ce soir-là, a soupé en tête-à-tête avec le roi dans ses cabinets. Il va la convier de nouveau le soir du 22, puis du 23 avril. Il y a un seul problème dans cette idylle assez magnifique et royale. C'est que le roi, à l'époque, évidemment, est marié, ça c'est une chose, mais que Madame d'Étiole aussi est mariée. Elle est toujours mariée depuis 1741 à Charles-Guillaume le Normand d'Étiole. Le comte de Saint-Priest, qui n'est pas un témoin direct des événements, révèle tout le stratagème qui va être mis en place par la mère de Madame d'Étiole pour essayer d'arranger cette affaire. Voilà ce que nous dit Muchimblé. Elle envoya un jour un message à sa fille, alors à Versailles, pour l'avertir que son mari avait découvert son infidélité, qu'il était furieux et voulait se venger à son tour, l'avertissant qu'il y allait de sa vie. La belle fondit en larmes à la lecture de la missive, faillit s'évanouir en présence du souverain qui tenta de la consoler au mieux. Elle lui fit lire la lettre en ajoutant que son époux était un homme emporté, capable de toute espèce de violence et qu'elle ne voulait pas retourner à Paris. Ah, là, elle a touché le cœur du roi, bien entendu. Louis XV, quasiment aussitôt, l'a fait loger, dans un premier temps à la surintendance, ensuite dans un appartement qui se trouve un peu dans les hauteurs, au-dessus de l'appartement de parade du château de Versailles, du grand appartement, et puis encore ensuite, elle va s'installer carrément dans les meubles de la duchesse de Châteauroux au quatrième étage sur le parterre du Nord. À partir de ce moment-là, on peut dire que Madame d'Étiole fait partie de la cour. Il faut encore qu'elle soit présentée. Eh bien, ça va arriver le 24 juin 1745. Le prince de Conti, qui est quand même un cousin du roi, va lui vendre la seigneurie de Pompadour pour 200 000 livres. Une seigneurie qui se trouve en Limousin, hein, pas très loin de Brive. Et c'est le contrôleur général des finances, Monsieur Horry, qui va entériner une transaction dont on n'avait même pas jugé bon de l'avertir dans un premier temps. En attendant, le roi est parti guerroyer dans les Flandres et on va en profiter pour donner à Madame de Pompadour, si je puis dire, tout le vernis de la cour. Et ce sont deux grands personnages qui sont chargés de cette mission, Bernice précisément, et puis un certain Monsieur de Voltaire qui va passer tout l'été à Étiole pour lui donner l'air de la cour, pour lui apprendre les bonnes expressions. expressions, les bonnes formules, les bonnes manières d'une certaine façon. Et puis, le 14 septembre 1745, celle qu'on appelle désormais Madame de Pompadour est présentée à la cour. Elle n'en sortira plus, elle y mourra après 20 ans d'une faveur quasiment sans nuage. Bonjour Evelyne Levert. Bonjour Franck Ferrand. Dans un instant avec vous, nous allons revenir sur les débuts de cette faveur et sur ce qui peut expliquer une telle fortune. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. On vous retrouve Franck Ferrand au cœur de l'histoire cet après-midi avec votre invitée, l'historienne Evelyne Levert, pour nous parler de Madame de Pompadour. Alors Evelyne Levert, il faut que nous revenions sur la naissance de l'idylle entre Louis XV et celle qui n'est encore que Madame Lenormand d'Étiolle. On ne sait pas, vous le dites vous-même, où ils se sont rencontrés. Ce qui est certain, c'est que c'était à la toute fin de l'année 1744 ou au tout début de l'année 1745. Alors, vous avez dit tout à l'heure, et très justement, qu'il était tombé dans un accès d'extrême mélancolie après la mort de Madame de Châteauroux. Dès qu'il y a la mort avec Louis XV, c'est un déchirement. Il faut dire qu'il a perdu ses deux parents alors que lui-même était au berceau. Oui, il a vécu, on peut dire, dans un cimetière. Et puis ensuite, une de ses maîtresses est morte. Enfin, il est très frappé par la mort. Mais il se remet en réalité très vite. Et il est vraisemblable que ce soit Binet de Marchais, son valet de chambre Binet de Marchais, qui lui ait conduit dans ses petits appartements cette jeune femme qu'il avait remarquée et qui disait qu'elle ne tromperait jamais son mari, sauf avec le roi, mais elle le disait en plaisantant. Il faut dire que Binet de Marchais faisait partie de cette espèce de coterie autour du clan Paris, oui, donc des grands financiers de l'époque. Oui, parce que il faut bien voir que cette jeune femme que vous avez merveilleusement décrite tout à l'heure, cette jeune femme a derrière elle tout un clan de financiers. Elle appartient au monde de la finance et ce monde de la finance a tout intérêt à avoir l'oreille du roi, et l'oreille du roi, eh bien, c'est passé par sa maîtresse. Ils étaient autrefois extrêmement bien avec Madame de Châteauroux. Madame de Châteauroux venant à mourir, eh bien, il faut bien qu'il y ait à sa place quelqu'un qui puisse rester en rapport. Servir de courroie de transmission, d'une certaine manière. Transmission, et en réalité, le roi n'aime pas les visages nouveaux, le roi n'aime pas parler directement, donc il faut toujours un intermédiaire. Et cette jeune femme, très intelligente, très cultivée, très habile, est vraiment la candidate idéale. Donc c'est Binet de Marchais qui conduit certainement Madame d'Étiolle dans les appartements du roi. Alors là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en fait, tout va très très vite. Tout va très vite parce que pour une femme qui n'est pas du milieu de la cour, et on peut dire c'est une intruse, eh bien, pour une femme qui n'est pas du milieu de la cour, elle va être maîtresse officielle pratiquement au bout de 6 mois. Oui, c'est très très rapide. C'est fou. Et ce qui est frappant, c'est il y a deux choses à bien souligner peut-être là. D'une part, c'est que Louis XV est à son apogée. C'est l'époque où il est très populaire, où il vient de remporter une nouvelle campagne en 1745, et notamment la bataille de Fontenoy. Donc il est le héros, le vainqueur de Fontenoy. Et puis d'un autre côté, Madame de Pompadour connaît dans le monde, évidemment, dans la société, elle connaît elle aussi une extraordinaire faveur à cette époque. Donc ce sont un peu les deux héros de l'époque qui se rencontrent. C'est un couple assez idéal en 1745. C'est un couple idéal, mais qui est en rupture totale avec les traditions de la cour. C'est la modernité qui arrive à la cour. Oui, parce que c'est le monde noble. Des financiers. Oui, oui. Le monde des financiers est très mal vu. Ce sont des parvenus. Les nouveaux riches, oui. Ce sont des nouveaux riches. Et à ce moment-là, Louis XV élève une femme de ce milieu tellement décrié. Il l'élève au rang de compagne d'élection, on peut dire, parce que la reine a un rôle maintenant très effacé. Et pendant 20 ans, Madame de Pompadour, puisqu'elle devient marquise de Pompadour, il a fait marquise de Pompadour avant sa présentation à la cour, eh bien, à ce moment-là, elle va régner sur la cour pendant 20 ans. C'était un exploit tout à fait extraordinaire. Je vous cite Evelyne Levert dans la belle biographie que vous avez consacrée à Madame de Pompadour il y a quelques années chez Perrin. Une seule fois, dites-vous, la reine exprima publiquement son ressentiment contre la maîtresse de son mari, mal lui en prit. Madame de Pompadour avait l'habitude de faire envoyer à la souveraine d'immenses brassées de fleurs. Un jour, on ne sait pourquoi, elle préféra les lui apporter elle-même. Lorsqu'elle arriva chez la reine, les bras chargés de branches odorantes, celle-ci lui demanda d'un air pincé de chanter l'air de son choix, puisqu'elle avait une jolie voix. Troublée par cet accueil, Jeanne-Antoinette ne tarda pas à se reprendre et, à la stupeur de l'assistance, entonna avec assurance l'air de la magicienne Armide. Personne n'osait plus regarder la reine, ni la favorite qui chanta son air jusqu'au bout, sans la moindre fausse note. Après s'être inclinée devant la souveraine, elle déposa ses fleurs et quitta le salon. Elle venait de remporter une victoire, pas tant sur la pauvre Marie que sur la cour devant laquelle elle avait osé affirmer sa puissance. Dans un instant, je vous propose d'entendre en liaison depuis New York, où il se trouve en ce moment, Robert Mouchimblé, et puis nous reprendrons cette conversation autour de Madame de Pompadour ensemble juste après, si vous le voulez bien, Evelyne Levert. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Madame de Pompadour avec votre invité Robert Mouchimblé, historien de la culture et des sociétés, auteur de Madame de Pompadour aux éditions Fayard. La technologie a beaucoup progressé depuis l'époque de Madame de Pompadour et elle nous permet aujourd'hui un véritable miracle. Nous pouvons nous entretenir par-delà l'Atlantique, à New York, avec le professeur Robert Mouchimblé qui se trouve chez Géraldine Vosner, qui est notre correspondante sur place. Bonjour Robert Mouchimblé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous depuis New York. Donc, c'est un plaisir. J'ai beaucoup apprécié votre ouvrage sur Madame de Pompadour, qui est une vieille connaissance en ce qui me concerne, vous savez. Oui, l'image, le bal des ifs. N'est-ce pas, l'image que vous en donnez me paraît incroyablement conforme à ce que nous livrent les archives précisément. Alors, il faut que nous revenions sur un certain nombre d'aspects. Il est évident que vous brossez de la marquise un portrait nettement moins sympathique que ceux qu'on avait pu lire jusqu'alors. Vous en faites d'abord, peut-être et avant tout, une ambitieuse. Une ambitieuse et une aventurière. Et une aventurière, oui. Elle a de qui tenir, puisque son père et sa mère étaient deux très grands aventuriers et qui étaient tous les deux directement liés au clan des fameux financiers, les frères Paris, qui ont dominé la finance royale pendant très longtemps. Et effectivement, elle fait partie d'un complot, entre guillemets. On en avait parlé longuement autrefois, mais je pense que tout indique qu'elle a été délibérément placée dans le lit du roi. C'est ça. Pour faire le bénéfice de ce clan gens, Paris, justement. Oui. De ce clan Paris et le sien. Et c'était une femme d'argent, effectivement, une financière. Il y avait autour d'elle un certain nombre de personnalités extrêmement influentes. Vous parliez des frères Paris, bien entendu, Paris de Montmartel, Paris de Vernet. Il faut parler également de Lenormand de Tournehem, qu'on appelait Tournin à la cour et qui était un personnage également de grande influence. Est-ce qu'en fait, elle n'était que la courroie de transmission de ces personnages ? Non. Ils l'ont peut-être pensé parce que c'était une jeune femme au point de départ, mais elle a révélé des qualités personnelles extrêmement extraordinaires. Elle est quand même la seule favorite royale à avoir conservé le pouvoir pendant pratiquement 20 ans. Oui, c'est incroyable. Y compris après avoir été sexuellement quittée par le roi, assez vite, au bout de 4 ou 5 ans. Mais ce que vous montrez, c'est que non seulement elle l'a été après avoir quitté le roi, mais qu'elle l'est surtout devenue à ce moment-là, comme si elle avait réussi à transformer sa situation pour l'asseoir davantage encore. Exactement. Elle a toujours été extrêmement intelligente. Elle s'est rendue compte au point de départ qu'une très grande ambitieuse financière voulait faire d'elle sa courroie de transmission. C'était Madame de Tencin. Et oui. Qui l'avait aidée à devenir favorite. Elle l'a éliminée sans pitié rapidement. Elle l'a retirée de la possibilité de peser sur elle. Et elle n'a pas montré les dents, si je puis dire, très vite. Elle a d'abord analysé la situation parce qu'elle n'était pas originaire du milieu de cour. Il lui a fallu peu à peu comprendre la psychologie de ces animaux dangereux que sont les courtisans qui l'entouraient et qui voulaient tous essayer de prendre effet sur elle ou même de l'éliminer, comme son très grand ennemi, le comte d'Argenson, un très influent ministre de la guerre. Donc, Madame de Pompadour a peu à peu grimpé, si l'on peut dire, sur les échelles du pouvoir. L'ambassadeur autrichien, Kaunitz, qui est un homme extrêmement important par la suite, qui devient le chancelier autrichien, lorsqu'il est à la cour, il l'analyse et il la perçoit assez bien. Il la sent très ambitieuse et il sent qu'elle a des moyens importants. Mais au moment où il y est, c'est-à-dire vers la fin des années 40, 1740, elle n'a pas encore installé son pouvoir du côté, par exemple, de la diplomatie, de la guerre, des affaires étrangères. Mais elle fait semblant de ne pas savoir. Ce qu'on découvre dans votre livre, ou redécouvre, c'est le rôle essentiel qu'elle a pu occuper dans ces différents domaines. On a eu tendance, depuis un siècle et demi, à minimiser son importance politique et le rôle qu'elle a pu jouer dans le domaine de la diplomatie, de la conduite des armées et d'une façon plus générale de la politique. Vous réhabilitez complètement ce rôle. Vous nous dites qu'elle était une sorte de premier ministre de l'ombre, en fait. Absolument, mais avec un malheur, c'est qu'elle ne faisait pas toujours de très bons choix. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. J'ai essayé de balancer aussi bien l'admiration pour une personnalité qui est hors du commun et tout ce qu'elle a réalisé de mauvais, en particulier en choisissant des chefs de guerre comme le maréchal de Richelieu, qui était quelqu'un qui ne voulait absolument pas passer sous son joug et qui l'a joué. Ses lettres, les échanges épistolaires avec lui le montrent. Il essaie véritablement de la piéger en montrant qu'elle a des relations avec Frédéric II, le roi de Prusse, qui est devenu l'ennemi des Français. Elle a presque des ambitions de souveraine de ce point de vue. Hein. Elle a des ambitions de souveraine. Elle a quelquefois des cris du cœur. Elle dit « Je dois me contenter de la petite niche, j'aurais préféré la grande ». Et en réalité, elle dit ça au duc d'Aiguillon dans une lettre personnelle, mais son désir, ce que le duc de Croy dit dans ses mémoires et ce que Konitz raconte aussi, son désir, c'est de réaliser ce que la femme morganatique de Louis XIV a réalisé, Madame de Maintenon. Oui. De l'égaler, c'est-à-dire de prendre la place elle de est, la reine. Elle est son modèle, en vérité. Madame de Maintenon est son modèle. On ne comprendrait pas la durée de cette extraordinaire faveur de plus de 20 ans sans un certain nombre de personnalités qui la tiennent, qui la soutiennent, qui l'aident d'une certaine manière. L'intendant des postes, notamment. Robert Janel. Le lieutenant général de police Berryer. Des gens comme ça qui sont à sa dévotion, d'une certaine manière. Et puis un certain nombre de ministres qu'elle choisit pour cela aussi. Oh, tout à fait. Elle crée une série de ministres qui deviennent ses créatures rapidement. Elle impose Berryer comme ministre. Mais Berryer meurt en 1762, assez vite. Elle en a deux d'autres ans avant elle, oui. Qu'elle utilise également. Elle a beaucoup pensé à Bernice, qu'elle a fait devenir ministre des Affaires étrangères. Et qui va la décevoir. Bernice l'a déçu parce qu'en fait, Bernice veut prendre sa place. Eh oui. Bernice veut être Premier ministre. Et puis, elle réussit à l'écarter. Bernice est d'un naturel tourmenté, comme l'était Madame de Pompadour elle-même, puisque vous nous la montrez constamment dans les affres. Elle est déchirée par ses responsabilités et elle a le plus grand mal à garder une santé convenable à la cour. Absolument, elle se tue au pouvoir et elle a une santé extrêmement délicate. Apparemment, elle a beaucoup de problèmes. De problèmes physiques, peut-être quelque chose du côté du cœur, peut-être même une maladie vénérienne, qui sait. En tout cas, elle est précocement vieillie et en grande difficulté de ce côté. Elle souffre beaucoup et elle est une femme insatisfaite. En permanence insatisfaite. Quelqu'un qui, après avoir beaucoup aimé son père, qu'elle a perdu en 1754, 10 ans avant sa propre mort, et sa mère, qu'elle a perdue plusieurs années avant son père, elle n'a plus qu'une seule grande figure qu'elle lui importe, c'est le roi. Et elle essaie de placer ensuite des gens avec qui elle noue des relations intenses. Par exemple, Bertin, qui devient le contrôleur général des finances et qui est une sorte d'ami de cœur, peut-être plus, d'après quelques indices très vagues. Alors justement, vous soulevez un certain nombre de lièvres, et notamment sur les origines même de Madame de Pompadour, dont vous nous dites qu'elle n'est peut-être pas la Jeanne-Antoinette que nous montrent les dictionnaires. Oui, Jeanne-Antoinette, en fait, est la première fille. Née en 1721. 21. Mais il semble que Madame de Pompadour ait été substituée à elle en 1724, à mon avis. Elle est la deuxième fille. Et donc, on l'appelait Reinette, mais ça n'était pas... On l'appelait Reinette. Oui. Non, Reinette est un diminutif. Je pense que son véritable prénom était Catherine, parce qu'elle a comme sainte patronne Sainte Catherine. C'est très clair à ce niveau. Il y a apparemment une certitude qu'elle soit la fille de François Poisson et de Louise-Madeleine de la Motte, mais la deuxième fille, il y en avait eu trois en réalité. Une dont j'ai découvert la trace est morte, et la deuxième, on perd sa trace totalement. Il semblerait bien qu'il y ait eu substitution. La raison serait relativement simple, en fait, c'est que cette deuxième fille Poisson avait une héritière, Alexandrine, mais n'était pas mariée, apparemment. Eh oui. Ça aurait fait quelques désordres graves qu'une fille mère, qui plus est fille d'un plébéien, son père était un paysan, un fils de paysan, soit devenue la maîtresse du roi. Si bien qu'il semble que l'on est dans l'urgence au moment de la recherche d'une favorite, parce qu'il y avait une recherche de favorite les coteries. Toutes les coteries essayaient de placer quelqu'un. Tout le monde était sur les rangs, bien entendu. Oui, ça, tout le monde était sur les rangs. Alors, à ce moment-là, il semble qu'il y ait eu un changement de personne et que l'on ait pris quelqu'un qui avait eu une vie sexuelle un peu aventureuse. Oui, elle avait aussi dans son entourage un noir indien qui s'appelait Raman. Ça aussi, je l'ai découvert, oui. Oui, dont elle était la marraine, mais que son frère a tellement détesté qu'il l'a carrément mis dehors, sans le sou, après la mort de sa sœur. Le frère, c'est le marquis de Marigny qui a dirigé les bâtiments, qui était un homme d'une importance aussi très considérable. Un grand nombre d'aspects méconnus sont tirés de l'ombre dans cette très belle biographie de Robert Mouchimblé. On peut dire que c'est un portrait vérité que vous avez brossé de la marquise de Pompadour. J'ai essayé, j'ai pensé qu'il fallait à la fois montrer chez cette femme les ombres et les lumières. Il est toujours difficile de croire à un portrait totalement transformé en princesse ou à un portrait complètement épouvantable comme l'ont fait les révolutionnaires. La vérité historique est toujours plus complexe, plus difficile. C'est une femme admirable, mais pas en tout. Elle a aussi coûté énormément à la France. Elle était insatiable. Elle a aussi probablement été celle qui a coûté le Québec et une bonne partie de l'Empire colonial, parce qu'elle n'a pas su voir l'importance de la mer avec son complice Berryer, ministre de la Marine. Elle n'a pas su voir l'importance de la mer et l'importance de l'Angleterre en train de tailler des croupières aux Français sur tous les océans du monde. Merci beaucoup pour ce beau travail et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions si loin. Bonne journée à New York. Merci à vous. Au revoir, merci et bonne journée également. Au revoir. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, vous nous parlez cet après-midi avec votre invitée, l'historienne Evelyne Levert de Madame de Pompadour. Je vous ai vu sursauter, Evelyne Levert, à propos de la marine, de cette affaire du Canada et de la perte au traité de Paris en 1763, de ces quelques arpents de neige, comme les appelait à l'époque Voltaire. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce n'est pas Madame de Pompadour qui gouverne. Madame de Pompadour est là pour soutenir le roi, et c'est le roi qui décide. Il ne faut pas lui attribuer, me semble-t-il, un pouvoir qu'elle n'avait pas. Elle a beaucoup d'ambition. Et une immense influence quand même. Elle est quasiment le Premier ministre de l'ombre pendant ces années-là, en tout cas. Premier ministre de l'ombre, non. Alors là, je ne suis pas d'accord. Il y a quand même des personnages au pouvoir qui sont là. Et en particulier, là, nous avons quand même Choiseul. Et ce n'est pas un personnage de second plan, me semble-t-il. Non, Madame de Pompadour va toujours dans le sens que souhaite le roi, parce qu'elle tient à garder son influence auprès de lui. Et si elle a de l'influence auprès de lui, c'est parce qu'elle le soutient dans ses idées personnelles. Elle soutient les idées de Louis XV. Et en particulier au moment du renversement des alliances, qui a été certes dramatique pour la France. Elle a été au début un intermédiaire, mais qui n'a pas pris part. Elle a soutenu une politique que Louis XV trouvait intéressante et intelligente, c'est-à-dire de s'allier avec l'impératrice Marie-Thérèse, c'est-à-dire l'alliance avec l'ennemi traditionnel, c'est-à-dire l'Autriche. Elle qui avait été si brillante dans la conduite des affaires, des liens entre Louis XV et le Parlement, par exemple. Elle qui avait joué un rôle non négligeable dans la réforme des finances avec Machaut en 1749. Oh non, pardon de vous interrompre, mais elle ne joue pas de rôle important. Elle est une courroie de transmission, mais cela essentielle, puisqu'on la voit recevoir les ministres. Oui, mais elle est quand même briefée par le roi. Lorsqu'elle reçoit le président de Mesnières, oui, qui est le président du Parlement, au moment où le roi et le Parlement sont en pleine crise, elle lui parle avec une autorité extraordinaire. Elle lui parle pour défendre l'absolutisme royal, alors que le Parlement, justement, combat cet absolutisme. Et Madame de Pompadour, qui aurait sans doute, si elle était restée Madame d'Étiol, était dans le sens du Parlement, là, elle est l'amie du roi, l'amie nécessaire, et elle tense le Parlement de Mesnières, droite comme un jonc. C'est le président de Mesnières, oui. qui dit cela, et parce que elle va dans le sens du roi. Elle est toujours dans le sens du roi. Elle est le porte-parole du roi, et en même temps, elle porte le roi, parce qu'elle a un rôle très important psychologiquement auprès de Louis XV. Elle est toujours là pour le soutenir, et elle ne l'aurait jamais soutenu dans un sens qui n'était pas le sien, car Louis XV a des faiblesses, certes. Louis XV a besoin d'être soutenu, mais là aussi des idées. Oui, bien sûr, et même des idées très arrêtées, en particulier en ce qui concerne l'absolutisme et même en ce qui concerne la politique étrangère. Quels sont les éléments dont on dispose? On a beaucoup travaillé pendant longtemps sur les mêmes archives, mais on se rend compte qu'il y a notamment, pour ce qui est de la correspondance, une sorte de dispersion des fonds dès qu'il est question de Madame de Pompadour. Alors, Madame de Pompadour elle-même a détruit beaucoup de lettres, et il n'y a pas un fonds particulier. Les fonds sont dispersés. J'en ai moi-même retrouvé dans le fonds Richelieu à la bibliothèque de la Sorbonne. Et puis, il y en a un peu partout. On en découvre une quinzaine par ici, une quinzaine par là. Mais ce qui est très intéressant dans le livre de Monsieur Muchamblé, c'est que il a, et il le dit dans son introduction, il explique que les techniques de recherche ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ou 15 ans, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de fonds ont été mis en ligne et sont consultables très facilement par la voix de l'ordinateur. Et il a fait un travail considérable dans les archives notariées de toute la France. Alors, les archives notariées, c'est quelque chose de très utile, mais de très austère en même temps. Et dans son livre, il a retissé toutes les affaires financières autour de Madame de Pompadour. Et là, il faut quand même connaître le contexte pour bien saisir toutes ces influences qui étaient autour d'elle et la façon dont elle a fait une fortune considérable. Alors, vous qui êtes la biographe de Madame de Pompadour, je rappelle que vous avez publié sa biographie chez Perrin. C'était en 2000. Vous avez bien sûr beaucoup travaillé sur toutes ces sources, et j'aimerais qu'on utilise les quelques minutes qui nous restent pour revenir sur un certain nombre, pour faire le le point, si je puis dire, sur un certain nombre des aspects de la vie de la marquise. On ne pourra pas tout traiter, évidemment. Bien entendu. Il y en a un qui m'intéresse particulièrement et qui, à mon avis, est souvent mis de côté. Alors là, ça n'est pas le cas, en l'occurrence. C'est ce talent de comédienne et de chanteuse qu'elle avait et qu'elle mettait très, très en avant dans les débuts de La Faveur. Oui, alors, c'est une vedette, si on peut dire, oui, du théâtre de société. Voilà, on a oublié un peu avant qu'elle soit la maîtresse du roi. Et le fait qu'elle ait ce don de comédienne, parce qu'elle a été formée par les plus grands comédiens, et elle chante aussi. Géliot, etc. Oui. Et elle est capable, donc, d'avoir à la cour une attitude, parce que elle est sans doute aidée par ce talent de comédienne. Et alors, comme il faut toujours aussi distraire Louis XV, l'arracher à ses humeurs noires, et ça a été vraiment le pivot de sa réussite, c'est-à-dire perpétuellement distraire cet homme triste, eh bien, elle a l'idée de créer un théâtre, le théâtre des petits cabinets, à l'intérieur même du château de Versailles. Et là, alors, elle est la vedette et elle a même monté des opéras où elle chantait. Et ça a beaucoup fait pour sa gloire à la cour. Finalement, elle ne reste pas très longtemps la maîtresse du roi. Assez vite, elle va en devenir l'amie et la conseillère. Mais ils n'ont plus de relation charnelle. Alors, ils n'ont plus de relation charnelle parce qu'elle est d'une santé extrêmement fragile. Elle a tout le temps des problèmes. Des problèmes qui sont des problèmes d'ordre gynécologique, qui sans doute aujourd'hui se régleraient par quelques antibiotiques. Mais à l'époque, on n'a absolument rien. Et à ce moment-là, c'est elle qui prend la décision de s'éloigner charnellement de Louis XV. Il lui donne d'ailleurs un appartement. C'est très risqué, évidemment. C'est très risqué, mais elle se rend compte que son ascendant sur le roi va être beaucoup plus grand à partir du moment où elle deviendra l'amie nécessaire. Alors, conseillère, éminence grise, c'est très difficile de le savoir, étant donné qu'elle a aussi une très grande qualité, c'est qu'elle est elle ne parle pas. Elle est d'une discrétion absolue. Et il y a un escalier qui communique entre leurs deux appartements. Et là, ils échangent. Elle lui parle et on ne saura jamais ce qu'ils se sont dit. Évidemment. Là, ça, ce sont les zones d'ombre de l'histoire, par définition oui. même. Et là, on forcément. Reste dans l'ombre la plus totale. Alors, elle change effectivement d'appartement. Elle emménage dans ce très grand et somptueux appartement du rez-de-chaussée de la partie nord du corps central du château de Versailles, hein, sur le parterre du nord. Elle appelait d'ailleurs cet appartement au nord. Oui. Elle acquiert à ce moment-là une sorte de statut plus qu'officiel. Alors, c'est quand même quelque chose d'incroyable parce qu'il y a une reine qui est là, qui ne couche plus non plus depuis longtemps avec le roi. Il y a une maîtresse honoraire qui ne couche plus avec le roi. Et alors, elle s'arrange. Alors, on a dit qu'elle était la maquerelle. Il ne faut pas. C'est pas très joli de dire ça, mais enfin. Elle organise les plaisirs du roi. Elle organise les plaisirs du roi avec de jeunes vierges qui n'apporteront donc pas de maladie au roi, qui avait très peur de la maladie. Et c'est la fameuse affaire du parc Auxerre. C'est une maison retirée dans Versailles. Et là, le roi recevra des jouvencelles pour son plus grand plaisir. Elle se dira. Elle espère que aucune de ses filles ne la supplantera. Elle a eu de temps en temps des émotions et elle fait très attention aux femmes de la cour parce que toujours peur d'être supplantée. Elle a vécu dans l'angoisse. J'ai envie de dire, elle fait très attention à tout. Lorsqu'on lit les souvenirs de Madame du Hausset, qui donc était sa, comment est-ce qu'on peut dire c'était ça, c'était sa femme de chambre. Sa femme de chambre. Oui, mais on se rend compte qu'elle était totalement, elle vivait sur des charbons ardents. Alors, elle vit sur des charbons ardents, c'est certain. Je crois qu'il faut pas trop se fier à Madame du Hausset. Oui. Mais enfin, il y a quand même des choses exactes dans Madame du Hausset, parce que Madame du Hausset, c'est pas elle qui a écrit ses mémoires. Mais enfin, c'est tout à fait exact. Et même si on lit les autres mémorialistes, eh bien, on se rend compte qu'elle est tout le temps sur le qui-vive. Et elle écrit elle-même que sa vie est terrible. Parce que. On a l'impression d'une souffrance permanente. Elle a des insomnies terribles. Il y a la souffrance physique. Bon, c'est une femme qui est tout le temps, enfin, pulmonaire. On aurait dit au 19e siècle qu'elle était pulmonaire. Elle est pulmonaire. Elle a le cœur qui fonctionne mal. Elle a des problèmes gynécologiques. Et il faut garder aussi les apparences. Alors évidemment, elle se farde, elle est d'une élégance extrême. Et là, c'est là que son talent de comédienne, que vous rappeliez tout à l'heure, joue un très grand rôle. Elle est tout le temps en scène, et même avec le roi, on peut l'imaginer. Elle est aussi devenue, sur la fin, avec la guerre de 7 ans, particulièrement impopulaire. Elle avait même du mal à se rendre à Paris sans créer des émeutes. Enfin, c'était vraiment un problème. Oui. Et elle meurt, on peut dire, d'une certaine façon, quasiment d'épuisement en 1764. Elle meurt d'épuisement parce qu'elle a une congestion pulmonaire qui l'emporte, mais elle est impopulaire. C'est attention, on la rend responsable, à tort évidemment, des erreurs du roi. C'est parce que le roi est devenu impopulaire, elle est le fusible, pardon, qu'on pourrait faire sauter. Oui, et quand elle meurt donc en avril 1764. Épuisée, on peut dire. Sa maladie est terrible. Elle a le temps de dire adieu à tout le monde, en quelque sorte. Et elle va mourir, chose tout à fait rarissime. On l'autorise, si j'ose dire, à mourir au château de Versailles même. Oui. Normalement, on évacuait les grands malades. Elle va mourir ici même. Et Louis XV ne peut pas assister à ses obsèques, c'est contre l'étiquette. Oui, non, c'est contre l'étiquette. Et le seul devoir qu'il puisse lui rendre, c'est d'être sur le balcon et de voir passer au loin le cortège funèbre. Alors, que sait-on exactement de la sépulture de Madame de Pompadour? Ça, c'est intéressant aussi. Oui. C'est un mystère un peu, quand même. Elle avait acheté une concession dans l'église des Capucines, mais l'église des Capucines n'existe plus. Et j'avoue que je ne sais pas où sont passés les restes de Madame de Pompadour. Un mystère de plus et qu'on essaiera peut-être un jour d'élucider. Et ce ne sera plus qu'un tas de cendres, comme aurait dit Diderot. Voilà. Merci beaucoup, Evelyne Levert. Merci à vous. Je rappelle tout simplement le titre de votre biographie, Madame de Pompadour. C'est édité chez Perrin. Et puis, Madame de Pompadour aussi. Mais alors, il a ajouté Mystérieuse Madame de Pompadour, Robert Muchin-Blé. C'est édité chez Fayard. Merci beaucoup. Et puis, je signale aussi, bien entendu, Evelyne Levert, que vous êtes l'auteur de cette chronique magnifique du règne de Louis XV. On suit mois par mois tout ce qui se passe. C'est en deux tomes. Et le nouveau, là, s'appelle Le Crépuscule des Rois. Qui commence avec l'attentat de Damiens. Merci beaucoup. Merci à vous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. C'est Loïc qui nous a envoyé via Facebook un message de la part de son fils Quentin qui a 6 ans et qui veut connaître l'origine de l'alphabet. Voilà une question simple que nous pose Quentin et qui appelle donc une réponse toute simple. Ce qu'il faut vous dire déjà peut-être, c'est que les toutes premières langues alphabétiques, nous les devons aux Phéniciens. L'alphabet naît avec les Phéniciens. Avant, on avait des langues qui étaient plutôt de l'ordre de l'idéogramme ou du hiéroglyphe, si vous prenez le cas évidemment des Égyptiens. Avec les Phéniciens, on a ce système extrêmement pratique de lettres qui peuvent être mises dans tous les sens d'une certaine manière et qui peuvent être lues par tous. C'est une avancée considérable de la civilisation. Alors, d'où vient le terme alphabet? Eh bien ça n'est pas très compliqué. Ça vient précisément de l'ordre dans lequel les Grecs ont placé leurs lettres. Alors la première lettre c'était alpha, la deuxième lettre c'était bêta, et puis gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, epsilon, etc. En l'occurrence, les deux premières lettres c'était donc alpha, bêta, et donc pour désigner cet ordre de lettres, on a utilisé le terme alphabet. Vous voyez que finalement, ça n'est pas très compliqué. Alors, ce qui serait beaucoup plus compliqué, c'est d'entrer dans l'histoire des différents alphabets, voir en quoi les Étrusques, par exemple, ont pu influencer les Romains et donc notre alphabet, l'alphabet latin que nous utilisons tous les jours. Mais ça, je crains fort que Quentin ne puisse nous suivre. Alors, je m'en tiendrai à l'explication simple.